Alors, ce que je vous propose, enfin, s'il y a encore des choses à ajouter, de toute façon, je pense qu'on est parti là-dessus. On va conclure avec la liste au Père Noël. Grosso modo, la liste au Père Noël, c'est on parlait de mashup, c'est justement une sorte de mashup d'idées, des idées que vous n'avez pas eu le temps de placer avant. C'est le moment de vous rattraper. Alors, sachant qu'on a quand même déjà une grosse durée de podcast, hein, je pense qu'on est sur 3 h 30, hein, Voilà. donc on va quand même essayer d'être bref. Hein. Moi, je sais d'ailleurs que j'avais pas grand-chose de plus. Moi, très rapidement, c'était, je mettrai un lien, mais il y a comment sur le fait que les idées sont pas protégées par le droit d'auteur. C'est un mécanisme de base du jeu de société. Hein. Il y a une vidéo de Trick Track là-dessus qui est très, qui explique les choses assez bien. Et puis sinon, j'aurais bien voulu avoir de la part d'Alias un petit retour de lecture sur The Art of Asking. Oui. Art of Asking, qui est un bouquin d'Amanda Palmer. Amanda Palmer, qui est une artiste américaine, qui est maintenant peut-être plus connue parce que c'est Madame Neil Gaiman, mais en fait, avant d'être épouse d'eux, et surtout, c'est une artiste qui était d'abord artiste de rue et qui ensuite a formé la moitié du duo Dresden Dolls. Et elle, en fait, elle a vraiment une approche assez radicale en tant qu'artiste. Et son bouquin s'appelle The Art of Asking parce que justement, au début, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était statue vivante dans la rue. Elle jouait Et au en fait, chapeau, quoi. voilà, exactement. Et elle a fondé quasiment toute sa carrière artistique et tout le côté gagner de l'argent, en fait, grâce à ça, sur cette base-là. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a très rapidement s'est intéressé aux réseaux sociaux et a réussi à former une communauté autour d'elle et de ce qu'elle faisait. Et c'est entre autres grâce à ça que toutes ces tentatives de crowdfunding ont généralement très bien fonctionné. C'est quelqu'un qui est passé par la case droit d'auteur, maison d'édition, etc., et qui en a été très déçu. Et c'est quelqu'un qui aussi a eu pas mal à souffrir du côté t'es une artiste alors bien c'est une artiste donc en plus il y a ce côté artiste égale pute disons-le clairement qui ressort assez souvent dans les critiques qu'on lui adresse le fait qu'elle ait fait du crowdfunding alors que c'était déjà quelqu'un qui était très riche lui a été aussi reproché. Enfin, très riche, entendons-nous bien, mais enfin, quelqu'un qui avait déjà des moyens lui a été reproché. Mais elle a vraiment dans son livre, elle part de son expérience personnelle, elle parle de son expérience personnelle aussi pour dire aux artistes, il faut pas que vous ayez peur. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut tout à fait s'être utilisé dans tout ce qui est dans tout ce qui est prix libre. Il faut pas que vous ayez peur de demander, il faut pas que vous ayez peur d'expliquer votre situation. Il faut surtout pas que vous ayez peur de votre communauté. Il faut vraiment vous attacher à ce que votre communauté, si vous êtes un artiste, une artiste, est ce qui va vous faire vivre. Et Ouais, je pense même qu'en tant que créatif, finalement, la seule chose que tu vends, enfin, entre guillemets, que tu recherches, c'est maintenant aujourd'hui, en tout cas, c'est le modèle qui se dessine, c'est que le créatif, il développe moins un produit qu'une relation, en fait. Oui. Cory Doctorow, dans son dernier ouvrage, Information Doesn't Want to Be Free, avait posé comme une des lois, vous n'allez pas devenir riche en étant célèbre, vous ne pouvez pas devenir riche sans être célèbre. Donc là, évidemment, en tant qu'artiste, en tant que créateur, c'est quelque chose qui est très, très évident. Il faut vraiment avoir une communauté et où se créer une communauté en plus de sa création. Alors, d'autres personnes sur la lettre au Père Noël? Hein. Bah, je rajouterais peut-être quelque chose qui est, on parlait de l'économie du libre et de la question justement des appels aux dons. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui avait une certaine dynamique aux alentours des années 2010 et qui maintenant, 5 ans plus tard, est en train de se déliter un petit peu ou qui est en train de changer de forme. Et je trouve ça un petit peu dommage. On avait des systèmes comme Flatter qui étaient en train de se mettre en place, qui malheureusement n'a peut-être pas apporté toutes les promesses que ça aurait pu. On a d'autres systèmes comme ChangeTip qui est basé sur le Bitcoin, qui est intéressant aussi, mais qui fonctionne. Bref, ouais, il y a le côté Bitcoin qui est quand même pas super évident à gérer. Et puis après, c'est des systèmes de financement participatif ou de mécénat participatif, comme bah, pour des projets particuliers comme Kickstarter ou Lulé, etc. Ou Patreon, Tipeee pour des questions de mécénat. Mais voilà quoi, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre en facilité et qu'on va au devant de systèmes qui sont plus complexes et qui du coup on rate le coche d'avoir un système grand public pour pouvoir permettre aux créateurs de vivre de leur création. Non. Moi, je sais que personnellement, j'essaie de jusqu'à présent, j'essaie de faire ça en fait, de pas passer par une plateforme extérieure qui tout pour ce justement l'appel aux dons. Bah, c'est ce que fait bien, c'est ce que fait d'ailleurs Lionel Dricot. Hein, j'en parlais tout à l'heure. Oui, sauf que Lionel Dricot utilise quand même un peu toutes les plateformes qui lui passent à portée de main, PayPal, Flutter, c'est ce qu'on disait. Hein, effectivement, oui. D'ailleurs, PayPal est une plateforme de dons. Hein. Ils prennent leur part hein, aussi, il ne faut pas oublier là-dessus. Et j'avais l'impression qu'avec le crowdfunding, il y avait plutôt un mouvement inverse, c'est-à-dire qu'il y avait plutôt que c'était quelque chose qui allait plutôt mettre dans la tête des gens qui peuvent participer financièrement à la création de choses avant d'attendre que ça leur arrive dans des magasins, quoi. Et du coup, en fait, ça pouvait ramener une espèce d'éducation à, qu'il pouvait y avoir un effet moyen-long terme de ça. D'ailleurs, on voit que c'est quelque chose qui a tendance à maintenant à exploser ces dernières années et qui. Mais en même temps, moi, le financement participatif, tel que je le vois, c'est des choses qui ont tendance à fonctionner très bien pour des projets donnés. Donc, si tu dis, voilà, je vais faire tel bouquin, je vais faire tel BD, je vais faire tel album de musique, je vais faire tel jeu, voilà à quoi ça va ressembler, voilà ce que vous pouvez recevoir si vous donnez tant, là, ça fonctionne. Pour dire, voilà, je suis un créateur et je vais créer des trucs ces 5 prochaines années, sans être plus clair, maintenant, il y a des sites comme Patreon ou l'équivalent franco-allemand Tipeee qui fonctionnent comme ça, mais je ne suis pas 100% sûr que c'est quelque chose qui appelle aussi bien au grand public. Donc oui, pour des projets bien fixés, bien définis, c'est clair, ça peut très bien marcher. Pour des choses plus vagues, c'est moins évident. Patreon, on est complètement dans l'économie réputationnelle, quoi. Si tu peux pas faire tourner ton Patreon si t'as pas une réputation en tant que créatif, pour que les gens ils soient prêts à te filer un revenu mensuel pour que tu sortes un peu ce qui te passe par la tête. Voilà quoi, c'est forcément c'est basé sur ta réputation quoi. Si on regarde sur Tipeee, qui est donc la plateforme qui s'est ouverte maintenant il y a quelques mois sur France, c'est My Major Company qui l'a lancée, si mes souvenirs sont bons. Les plus grands, les plus typés, on va dire, donc ceux qui reçoivent le plus de contributions, c'est des gros youtubeurs. C'est assez évident. Donc c'est des gens qui sont déjà connus de base. C'est un peu la limite du crowdfunding, c'est-à-dire qu'on le voit aussi aux États-Unis avec Kickstarter, là, qui a vraiment pris une énorme ampleur, c'est que plus ça prend de l'importance, plus tu retombes dans l'économie de l'attention et tu as de risques de voir se reconstituer la fameuse courbe de Pareto qui fait que les revenus se concentrent sur un petit nombre. Mais il y avait des études intéressantes qui avaient été faites sur Kickstarter qui montraient que la distribution était quand même beaucoup plus lisse que la courbe de la SACEM, quoi. C'est-à-dire que ça permet quand même un étalement des sommes beaucoup plus large encore que les systèmes classiques de financement de la création. Donc il y a peut-être encore un créneau du crowdfunding, un effet bénéfique. Mais après, le problème, c'est que quand on voit le rôle que des plateformes, par exemple, comme Kickstarter peuvent prendre, c'est qu'on n'est pas dans la dégooglisation, quoi. C'est-à-dire que voilà, on s'en remet encore un intermédiaire. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on n'arrive pas à faire émerger de systèmes vraiment peer-to-peer, quoi, de soutien, quoi. C'est vrai que Flutter avait cette vertu-là. C'était vraiment système quasi peer-to-peer. Flutter restait un système centralisé. Ouais, il y avait encore. ChangeTip est plus dans cette mouvance-là, étant donné que c'est un truc qui est basé sur du Bitcoin. Encore que ChangeTip, l'idée, c'est d'avoir un moteur qui va rechercher sur Twitter ou sur d'autres plateformes des gens qui disent « Ok, je te donne de l'argent via ChangeTip ». Donc, l'idée, c'est d'avoir un système qui est assez malin parce que ça c'est du langage naturel. C'est-à-dire, par exemple, ben voilà, j'offre un café à Calimac via ChangeTip. Et donc, le moteur va faire une recherche. Il va « Ah, mention de ChangeTip. Ah, mention d'un autre utilisateur. Mention de un café. J'ai ça dans ma base de données. Ça signifie 1,50 €. Paf, j'envoie 1,50 € en Bitcoin sur le compte de Calimac. » Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qui est assez malin, mais il y a quand même toujours un système un peu centralisé, puisqu'il faut le truc qui va parser les demandes et qui va en faire des requêtes réelles. Mais je vois pas comment, j'imagine pas comment on pourrait faire décentraliser ça de façon rationnelle. En même temps, je suis pas développeur, donc. Ouais, sur le domaine des jeux de rôle, en fait, il y a eu des gros succès de crowdfunding sur des choses qui se sont déjà fait un nom. Et sur des choses qui étaient, eh bien, voici une nouvelle version de quelque chose qui est très connu. Et grâce aux mécaniques de crowdfunding sur cette nouvelle version, vous aurez quelque chose encore mieux que ce que vous espériez. Et en fait, ça, c'est un mécanisme qui marche, qui appelle les gens et qui font que les gens peuvent mettre de l'argent. Si tu mets au sommet de la courbe de Pareto, de toute façon, il faut faire du recyclage, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est pas forcément comme ça qu'on attire effectivement le financement de la création. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est qu'au moins ça dans cette course pour l'attention, ça fait que des gens peuvent, by the way, se mettre à regarder les autres projets qui sont faits par d'autres. Ça démocratise pas mal. Ouais, et ça permet de se dire qu'on n'est pas obligé d'attendre que quelque chose soit rentré dans un processus commercial qui l'amène au magasin pour commencer à s'occuper d'un projet. Et je me dis que c'est déjà ça, même si c'est pas grand-chose. Quand tu dis ça, c'est quasiment comme les auteurs indépendants qui sont sur Amazon, quoi. C'est pas parce que t'es référencé sur Amazon que les gens te voient. C'est pas parce que t'as un projet sur Kickstarter que les gens te voient, quoi. Ouais. On va voir que les têtes de liste ou éventuellement les projets qui viennent tout juste d'arriver, quoi. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une communauté. C'est ce que j'allais dire. Ouais, le problème avec les plateformes là, c'est la communication. T'es obligé d'avoir une communication très solide. Ouais. L'exemple récent en jeu de rôle, c'est Insectopia. Ils ont explosé leur plafond sur Ulule. Et je crois que pendant 2 ans, ils ont fait toutes les conventions de France pour réunir une communauté, avoir des playtesteurs partout. J'étais un des playtesteurs. Et du coup, voilà, comme ça, ça marche forcément. Tout le monde en parle partout. Et voilà, faut vraiment mettre les moyens, quoi. Je les ai croisés en Belgique. 2 semaines plus tard, je les croisais à Lausanne. Voilà. Ils sont partout. Oui, les insectes sont partout, mais ça, on savait. Ouais. Moi, dans le cadre Lettre au Père Noël, moi, j'ai pas fait beaucoup d'autopromotion, mais j'en fais un petit peu là. Au niveau de la Quadrature du Net, on a un programme de réforme du droit d'auteur qui est très développé, en fait, hein, qu'on a fait après la fin d'ACTA, en fait. On s'était dit qu'il fallait repartir sur quelque chose de positif après ACTA. Et donc, on a fait tout un programme. Et notamment avec nos propositions de légalisation du partage sur Internet pour en finir avec la répression du piratage. Et on a des propositions pour le financement de la création qu'on a appelées contributions créatives, qui sont en fait une évolution de la proposition de licence globale, donc par rapport donc à un financement mutualisé qui vient avec un surcoût à l'abonnement Internet, qui crée une somme centrale, et qui est ensuite réparti entre les personnes qui postent des œuvres sur Internet, la contrepartie étant que tout ce qui est posté sur Internet devient partageable entre individus. Et on a quand même beaucoup creusé la question, et un système de ce type, hein, les estimations avaient dit que pour 3-4 euros de plus à la connexion Internet par mois, ça peut dégager 1,3 milliard par an de financement supplémentaire, hein, ce qui est énorme. Hein. Au niveau d'un pays comme la France, c'est quand même... Bon, ça pose beaucoup de questions sur comment on répartit ces sommes et comment on évite à la fois les effets SACEM et les effets économie de l'attention. Mais ça pourrait être un levier, pour le coup, hyper puissant pour rebattre les cartes. Alors, je ne peux pas vous mettre le lien parce que je suis sur une tablette là, mais on vous mettra le lien dans la. Ouais, continuez là, une fois que le podcast sera fini, si vous repensez à des liens que vous n'avez pas eu l'occasion de me citer, vous me les envoyez, éventuellement avec quelques mots quand même pour me donner le contexte, que je sois pas obligé de tout relire en détail pour comprendre de quoi il s'agit. Et bon, bah, comme à mon habitude, je mettrai tout ça dans l'article du podcast. Voilà, pour que l'idée, c'est quand même de fournir avec le podcast, clé en main, une webographie, une bibliographie, pour que les gens puissent se faire leur propre opinion, quoi. Okay. Est-ce que vous avez autre chose dans la liste au Père Noël ou est-ce qu'on l'a déjà bien rempli là? Oui. J'avais envie d'ajouter un petit quelque chose pour ajouter sur le côté communauté et pour essayer de faire le lien entre ce que je connais des communautés qui sont autour des logiciels libres et des jeux de rôle qui sont un espace de création que je connais par ailleurs. J'avais envie de dire un mot là-dessus si vous voulez bien. D'accord? Je me disais qu'en fait, c'est peut-être une méconnaissance de ma part, ça existe peut-être, auquel cas j'aimerais bien le connaître et suivre ça. Je me disais que il y aurait vraiment moyen de réutiliser tout ce qu'on a pour du logiciel libre pour faire du jeu de rôle réellement community driven et faire que les différents cercles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le cercle des auteurs initiaux, celui des gens qui écrivent des contributions et celui des gens qui jouent, n'en forment plus que deux et qu'en fait quelqu'un qui veuille contribuer puisse tout aussi facilement qu'il va lire l'information de ce qui est par exemple écrit dans une contrée quelque part dans un univers fictif, puisse très facilement dire Et moi, je propose que dans cette contrée, il y ait ceci et cela, et voilà pourquoi c'est intéressant. Et qu'en fait, ces mécanismes-là puissent être mis en place. Ces mécanismes, en fait, c'est ce que j'ai cité au début, hein, c'est le pull request. Hein. C'est le fait de dire que tout le monde n'a pas forcément le droit d'écrire de la même façon, mais par contre, tout le monde va pouvoir facilement prendre une œuvre collective qui pourrait être un jeu de rôle, en faire une copie de son côté, y apporter des modifications et puis dire voilà une modification que j'aimerais voir incluse et ce qui serait le départ d'une discussion pour amener cette contribution à un niveau de qualité et ensuite à pouvoir l'intégrer et continuer à l'intégrer sous une licence libre. Il est des fois difficile en fait de rejoindre un projet qui a déjà commencé parce que tout comme il est très difficile en fait en informatique, de repartir sur une base de code qui préexiste, parce qu'il y a besoin du coup de l'analyser, et du coup en fait on se retrouve à être très prudent. Et je me dis qu'en fait pour des projets, pour des petits projets, des choses qui un mode émergent dans lequel des choses inventées dans les tables par des tables de jeu seraient recapitalisées, et recapitalisées dans le corps même de ce que constitue le jeu. C'est-à-dire pas seulement en fan art, mais en étant une vraie nouvelle version du jeu et d'un jeu vivant qui évoluerait de contribution en contribution. Je pense qu'il y aurait des choses assez jolies à faire là-dessus. Et enfin, c'est personnellement un sujet qui m'intéresse plutôt bien et j'aimerais bien si des gens ont fait des percées dans ce sujet-là, j'aimerais bien en savoir plus. Eh bien, en fait, on en parle dans le podcast Les Anciens et les Modernes. On a fait un podcast sur le jeu de rôle qui s'appelle Les Anciens et les Modernes. Et assez bizarrement, cet état d'esprit, il existait en fait dans les années 70-80. Ouais. Où il y avait extrêmement de communication entre les communautés de jeux et où en fait les jeux étaient influés par la pratique qu'en faisaient les gens, quoi. Il y a des expériences maintenant qui existent, mais qui sont peut-être pas aussi abouties que ce dont tu parles. J'ai entendu parler de 2-3 projets de jeux. Il me semble que Manaheur, c'est un truc comme ça. C'est un projet qui est en cours de développement. Il est en licence art libre. Ouais. Mmh. il y a, je me demande si les Pathfinder Society n'est pas aussi un truc un petit peu basé sur la même idée. À un moment donné, il y avait Living Greyhawk qui était l'idée d'avoir une campagne dans le monde de Greyhawk qui pouvait se faire sur plein de tables de jeu à la fois. Et bon, il y a aussi l'exemple qui est assez amusant, mais qui est peut-être plus anecdotique, de la légende des cinq anneaux, où l'univers du jeu de rôle était influé par le résultat des parties de jeux de cartes, des jeux de cartes à collectionner L5R, Legend of Five Rings en anglais, et où mais ça a donné des choses totalement absurdes, où il y a des parties qui se terminaient dans des situations tellement tellement abracadabrante que ça avait donné des renversements d'univers qui avaient fini par dégoûter un certain nombre de joueurs. Bon, je ne sais pas si ce genre de choses existe encore dans le développement du jeu, qui est toujours développé. Mais je sais que ça avait été le cas au début, en tout cas, de l'univers de L5R. Bah, souvent, il y a la hantise dans ce qui freine les développements entre guillemets communautaires ou des développements par les utilisateurs. C'est la peur de voir en fait que ça aboutisse à la voiture d'Homer Simpson. Je sais pas si vous voyez l'image, quoi. Et je pense que c'est une crainte qu'il faut réussir à dépasser, quoi. Mais je pense quelque part que ce que toi tu essayes de faire sur Milvaux est assez proche de ce que je demande Stéphane, là, il me semble. Je pense. Hein. Bah après, sauf que j'ai aucune idée de s'il y aura une communauté, quoi. Tu vois, ça se trouve je vais balancer les trucs sur le wiki et puis je serai le seul à alimenter le wiki et puis ça marchera pas, quoi. De toute façon, c'est quelque chose qui ne marche pas. S'il faut que la communauté marche dedans, quoi. Et c'est ce qui est important à retenir, c'est que ça dépasse complètement la volonté d'une seule personne, quoi. Ouais. Et pour moi, en fait, il y a deux conditions. Si tu publies sur un wiki. Il faut que les gens comprennent vraiment que ce wiki est aussi accessible pour eux en écriture. Il leur appartient, quoi. C'est-à-dire, ouais. Dans ma partie, j'ai créé tel monstre ou j'ai créé tel endroit. Et ben du coup, je le rajoute dans le wiki. Et du fait simple fait que je le rajoute, ben il fait partie de l'univers, quoi. Ouais. Après, évidemment, il y a des gens qui vont dire, bah non, ce monstre, c'est de la merde. Je l'utiliserai jamais. Mais c'est leur problème, quoi. Et ça, en fait, c'est le souci que tu soulevais tout à l'heure sur les conflits qu'il peut y avoir sur des pages Wikipédia. Et en fait, c'est ce genre de mécanisme. Essaye de dire, OK, il y a quand même un cercle des auteurs qui vont accueillir les contributions, mais qui auront travaillé à les améliorer avant. En discutant avec les gens qui font les contributions. Mais c'est très compliqué. Des fois, tu as une masse critique hein, sur des wikis comme Star Wars. Bon, on parle de quelque chose de propriétaire, mais il y a eu tellement de fictions, ne serait-ce que les fictions propriétaires, les fictions officielles sur Star Wars, qu'en fait, il y a des tonnes de contradictions. Oui. Et en fait, pour faire le wiki Star Wars, il y a des, enfin, les mecs qui se prennent bien la tête, quoi. Ouais. Il y a une notion toute simple ensuite. Enfin, toute simple. À énoncer, mais ensuite faut la mettre en place, c'est compliqué. C'est qu'en fait, avoir une communauté, c'est focaliser les gens autour d'un but. Et en fait, des fois, réussir à énoncer ce but et dire que ce but, il est important et que c'est le véritable but du projet. Et que oui, cette contribution, elle est intéressante, mais je vais pas la prendre parce qu'elle sert pas mon but. Ou alors je vais la prendre, mais je la remplacerai par une autre qui sert mieux mon but après. Eh bien, c'est aussi un marqueur des communautés qui fonctionnent bien. Mais tu restes dans un mécanique de cooptation, quoi. Ouais. Ouais, une mécanique de cooptation, mais dans lequel finalement l'auteur initial va pouvoir peut-être un jour s'effacer parce que il aura été supplanté par des gens qui sont plus actifs. Il y a cette espèce de notion qu'en fait, finalement, c'est les gens qui sont plus actifs qui ont le plus de poids. Et si l'auteur initial ne veut plus être actif ou veut être en retrait par rapport à sa propre création, en logiciel libre, ça arrivait plein de fois, il y a plein de logiciels qui sont des continuations de projets qui ont été faits par des gens qui ne sont plus du tout dans le projet. Ouais. Et du coup, c'est de la participocratie ou l'économie participative, quoi. C'est qui peut aussi, je pense, créer ses propres inégalités, quoi. Mmh. Oui. Enfin, voilà. Il n'y a pas forcément de. Tu vois, par exemple, quand on prend, tu prends une association. Souvent, en fait, assez rapidement, tu te rends compte que dans une association, ceux qui ont le plus de droits et le plus le plus de possibilités de d'être écoutés en fait quand ils soumettent un changement, c'est les personnes qui consacrent le plus de temps à l'association. Et souvent dans les associations type loi de 1901, il y a vraiment une participocratie qui se met en place et qui est une forme quelque part qui est aussi une forme de système inégalitaire, quoi. Disons que ça, assez rapidement, ça devient des choses dans lesquelles ils sont très difficiles à rentrer, donc le renouvellement des cadres ne peut pas se faire. Voilà, parce que si tu mets une idée, mais sauf que tu vas pas être écouté, parce qu'on va écouter Monique qui tient la caisse depuis 15 ans et qui passe tous ses week-ends à préparer des petits fours pour l'asso, quoi. Ouais. Monique, si tu nous écoutes, aucun grief, hein, c'est sans rancune. Ouais, mais c'est l'un des bons côtés en fait qui sont instaurés sur le logiciel libre avec le pull request, c'est qu'en fait ça a rien d'exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas un acte qui est difficile de dire je fais une modif dans mon coin, est-ce que je vais aller voir les auteurs avec ma modification? Non, parce qu'ils vont me regarder de haut et puis ils ont autre chose à faire et puis enfin. Ça n'a vraiment rien d'exceptionnel que de dire « Bon, voilà, là, j'ai fait ça, et puis ça, j'ai corrigé les choses, et je vais republier mes petites corrections, parce que comme ça, au moins, ce sera plus propre. » J'ai quand même l'impression que pour la création artistique, c'est quelque chose qui est plus difficile, parce que c'est vraiment une question d'ego, et assez rapidement, on va se retrouver dans des clashs d'ego. Dans un logiciel libre, je dis pas qu'il peut pas y avoir de clash d'ego, mais on peut assez plus facilement arriver à des valeurs objectives. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, enfin, ça va pas correspondre à tous les projets, mais je pense que des projets de création de jeux de rôle sur ce champ particulier de création artistique et de jeux de rôle. Qui est quelque chose qui va être pratiqué par des tas de gens de par le monde. Il va y avoir quelque chose de communautaire. Et ce quelque chose de communautaire, en fait, on pourrait s'en servir dès le moment où on pense son projet. C'est sûr que c'est une idée séduisante. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous pour conclure ce tout petit podcast. Bonjour, c'est ça. Ouais. Bien, je pense qu'on a tous des yeux de poisson mort. Peut-être qu'il est temps de rendre l'antenne. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Oui. En tout cas, j'éprouve beaucoup de gratitude hein, pour votre présence. Ça m'a fait un grand plaisir, un grand honneur. Voilà, j'ai vraiment apprécié toutes les contributions que vous avez pu faire. Bon, on parle d'œuvres communautaires quelque part. J'avais l'impression d'en faire partie. Voilà, le temps de ce bref podcast. Merci Thomas d'organiser ça. Bon, on va le mettre en libre. Voilà. Ah bah oui, oui. Alors vous êtes d'accord. Oui, le pire c'est que je l'écris pas bien, mais je crois que sur le PDF que je vous ai envoyé, c'est précisé que c'est libre. Ah. Et en fait, voilà, votre contribution appartient à la postérité, maintenant, elle ne vous appartient plus. Voilà. Ça marche. Ça marche. Merci à vous, merci aux auditeurs, au revoir tout le monde et à une prochaine. À plus. Salut. Salut. Salut.